بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Rends gloire au nom de ton Seigneur, le plus haut. الذي خلق فسوى. Celui qui crée et façonne. والذي قدر فهدى. Celui qui prédestine et guide. والذي أخرج المرعى. Celui qui fait pousser les pâturages. فجعله غثاء أحوى. Pour en faire ensuite une herbe sombre et desséchée. سنقرئك فلا تنسى. Nous te ferons lire le Coran, dont tu n'oublieras rien. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. Sauf ce qu'Allah voudra que tu oublies, car il sait ce qui se manifeste au grand jour et ce qui reste caché. ونيسرك لليسرى. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. فذكر إن نفعت الذكرى. Rappelle donc, pour que le rappel soit vraiment utile. سيذكر من يخشى. S'en souviendra sûrement celui qui craint Allah. ويتجنبها الأشقى. Et le plus malheureux fera tout pour l'éviter. الذي يصلى النار الكبرى. Lui qui brûlera dans le feu le plus grand. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Puis n'y mourra point, pas plus qu'il n'y vivra. قد أفلح من تزكى. Aura la réussite celui qui s'est purifié. وذكر اسم ربه فصلى. A évoqué le nom de son Seigneur et a prié. بل تؤثرون الحياة الدنيا. Vous préférez plutôt la vie en ce bas monde. والآخرة خير وأبقى. Alors que l'autre monde est bien meilleur et autrement durable. إن هذا لفي الصحف الأولى. Cela est consigné dans les anciens feuillets. صحف إبراهيم وموسى. Les feuillets d'Abraham et de Moïse.